L'étudiant reviendra à l'aube, traversant la 7e rue pavée. Et le soir, avec sa lumière douce et ailée, tentera ton âme aimée d'un autre. Les caresses reviendront à l'aube pour partager tes délices de Noël. Mon refuge morne, mon étoile lointaine, où j'étais roi et seigneur de tes rêves. Ils seront préservés par la brume à l'aube, mais l'éclat qui brûlait dans tes pupilles, nos mains entrelacées, enflammées, l'extase du crépuscule et son souffle, ces instants purs, ces vers, mes 48 roses envoyées, ils seront préservés dans chacun de tes baisers. Traversant la 7e rue pavée, et le soir, avec sa lumière douce et ailée, tentera ton âme aimée d'un autre. Les caresses reviendront à l'aube pour partager tes délices de Noël. Mon refuge morne, mon étoile lointaine, où j'étais roi et seigneur de tes rêves. Préservés par la brume à l'aube, mais l'éclat qui brûlait dans tes pupilles, nos mains entrelacées, enflammées, l'extase du crépuscule et son souffle, ces instants purs, ces vers, mes 48 roses envoyées, ils seront préservés dans chacun de tes baisers.